Welcome, my friends, to French Pod. Today, we've got an intermediate lesson. It's called How Was Your Day, Hun? My name is JP. Je m'appelle Amaury. Bonjour à tous, chers amis. Bonjour, Amaury. How was your day, baby? Pour nous, ce n'est pas encore fini. Ok, that's right, we're still working. Mais c'est une question charmante à entendre quand on rentre chez soi. Oh yes, when you go home to your significant other. Voilà, ça fait plaisir d'entendre ça. Donc on a compris, ici on va se retrouver dans la vie d'un couple. Ok. Et parfois les journées peuvent être positives ou difficiles. All right, why don't you tell us our keyword, our mot-clé? Mon pauvre. Mon pauvre. Okay, so this is a phrase clé. Oui. Mon pauvre. It's like, oh, poor guy, but it's actually my poor guy. C'est ça. Okay. Uh-oh. I guess the day wouldn't have turned out that well. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que ça va mal tourner? I guess we're going to have to hear it in the dialogue. Exactement. Donc on l'écoute tout de suite. Comment s'est passée ta journée, mon cœur ? Oh là là, j'ai passé une journée horrible. Je suis arrivé en retard au travail, le patron m'a donné une tonne de boulot et on a perdu nos principaux clients. Oh mon pauvre ! C'est pas tout ! Je n'ai pas pu déjeuner ce midi. Pourquoi ? J'ai oublié mon portefeuille à la maison ce matin. Tu dois avoir super faim, mon chéri. Prends un bain et entre-temps, je vais aller chez le traiteur asiatique en bas chercher des nems et du riz cantonné. On va manger en regardant un gars et une fille et ça ira mieux. Merci bébé, heureusement que tu es là. Quelle charmante femme, JP. Oh yes, she was very nice. C'est vrai. She was very nice. J'ai envie de dire, elles ne sont pas toutes comme ça. Mais bon, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. You know, I know your girlfriend, right? Ouais, et elle... non, elle est formidable, elle est très charmante. Sure. Ouais. So he walks in the door and she says... Comment s'est passée ta journée, mon cœur? Okay, that is a beautiful thing to say. That's, how was your day, hun? Now, she doesn't actually call him hun, right? Because hun is honey. Qui est miel. Right? Yeah, that has nothing to do with what's... No, what does she call him? Mon cœur. Mon cœur. Okay, this is my heart. Oui. That's a nice thing to be called, mon cœur. Qui est utilisé souvent entre amoureux ou même avec les enfants. Mm-hmm. And the question was, how was your day? Comment s'est passée ta journée. Okay. Now, literally, if we're going to look at this literally, it's going to be how did your day spend itself? Exactement. Right? Which is, you know, let's not look at it literally. No. Okay. How was your day? How was your day? Comment s'est passée ta journée, mon cœur? Et donc, ça ne s'est pas bien passé. Oh là là. Exactement. C'est vrai qu'en français, on dit souvent, oh là là. Mm-hmm. Ici, oh là là, j'ai passé une journée horrible. Okay, so he said, I had a terrible day. Literally, I spent a terrible day. Oui, c'est ça. Okay, now a lot of you might be wondering, we have the verb passer in this sentence, and it's in the passé composé, j'ai passé. And the first sentence, it was c'est passé, right? Mais c'est parce que dans la première phrase, c'est le verbe pronominal se passer. Okay, how did the day spend itself? Oui. Right? And when you have a pronominal verb like that, it's going to be conjugated with the auxiliary verb être. Whereas in this sentence, j'ai passé une journée horrible. J'ai passé, this is avoir, because it's not the day that spent itself, it's how I spent the day. J'ai passé. Oui, exactement. Okay. So what happened? He got to work late, right? Il est arrivé en retard au travail. Okay. So now remember, arriver is one of those verbs that uses être in the auxiliary as well. So, je suis arrivé. Oui. Et en plus, le patron lui a donné une tonne de boulot. Oh, le patron. Okay, une tonne de boulot. Now, boulot is our slang word for work, right? Voilà, on avait travail juste avant. Okay. Il aurait pu dire « je suis arrivé en retard au boulot » okay. Parce que c'est un synonyme. Ce okay. sont deux mots qui veulent dire exactement la même chose. Ok, travail, boulot. Now, boulot is a little bit more slangy, right? It's a little bit more informal. Tout à fait. Mm-hmm. Ici, on lui a donné une tonne de boulot. Ok, that's too much, right? A big pile, it's a ton, it weighs a ton. Donc, on comprend ce que ça veut dire. Yeah. On va dire, par exemple, une tonne de choses à faire. Ok, I've got a ton of things to do. On a une tonne d'enregistrements à faire. We've got a boatload of recordings to do. All right, now, she is very sympathetic. Et attends, ce n'est pas tout. C'est vraiment une journée cauchemar, puisqu'il dit, on a perdu nos principaux clients. Okay, so they lost their biggest clients. Oh, that's a disappointment. Mais elle est gentille. Okay, yeah, she's very sympathetic. Et c'est là qu'elle dit, oh, mon pauvre. Okay, that's our key phrase, that's our phrase clé. Oui. Mon pauvre. Et alors c'est positif quand on dit ça. Okay. Ça veut dire qu'on a des sentiments pour la personne. En français, on dit on compatit. Okay. On partage la douleur. Okay, I share your pain. I feel your pain. Okay, now in English we might say, oh, poor baby, but that's usually sarcastic, right? When you say, oh, mon pauvre, you're really sharing that pain. Quoique c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser de manière sarcastique aussi en français. Par exemple, si quelqu'un se plaint trop. Mais bon, ici, c'est utilisé vraiment gentiment. Mais bon, pour lui, c'est vraiment une mauvaise journée. Il dit, ce n'est pas tout, je n'ai pas pu déjeuner ce midi. Oh, now that is very upsetting. C'est peut-être la pire chose qui lui est arrivée aujourd'hui, en fait. I would get in a fight. Can you imagine a French person missing lunch? Non, c'est horrible. It's awful. Now, I want to point out that we're using the verb pouvoir here, and we're using it in the passé composé. Now, pouvoir usually means to be able to, but the passé composé makes something into an action. So here, it's not just that he was unable to, but that he failed to eat lunch. That he tried, he wanted to, but he couldn't, right? It didn't happen. Tout à fait. Et donc, il n'a pas pu déjeuner. He couldn't eat lunch. That's awful. Et donc, toujours, elle essaye de l'aider. Elle essaye de comprendre pourquoi. Right. Évidemment, le malin, il a oublié son portefeuille à la maison. Oh, yeah. Le matin même. He couldn't borrow something from his boss? Or what's going on here? Et en plus, il n'a pas d'amis. Oh, no. So I bet he's starving. Et elle dit, tu dois avoir super faim, mon chéri. Oh, okay. Now, there's another affectionate way to call somebody besides mon cœur. Oui, mon chéri. Mon chéri. Okay. And she says that he must have super faim. C'est pareil que très faim, mais vraiment très, très, très, très faim. Okay. D'ailleurs, JP, j'ai super soif, si tu permets. Oh, he took a sip of water. Merci, là, j'avais vraiment super soif. Oh, okay. Feel better now? Ouais, merci. Excellent. Donc, on peut l'employer dans plein de situations. On peut dire, j'ai super envie de partir avec toi en week-end. Okay, you really want to come out with me on the weekend? Ouais, mais c'est pas possible, désolé. Oh, okay. That's all right. Next time. Next time. Anyway, so she says, tu dois avoir super faim, mon chéri. Prends un bain. Et entre-temps is like, meanwhile. Je vais aller chez le traiteur asiatique en bas. This is the downstairs Asian takeout place. Oui. Now, how do we know it's takeout? It's not a restaurant? Parce que c'est un traiteur. Traiteur. Okay, traiteur is necessarily a takeout place. Exactement. Chez un traiteur, ce n'est pas comme un restaurant. On ne mange pas sur place. Okay, you take it out. Voilà, on va chercher les plats qui sont préparés et on les emporte chez soi. Okay. Et là, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher des nem. Yum, these are the egg rolls, right? And usually in French, nem refer to the Vietnamese style. Exactement. The fried egg rolls. Oui. They're delicious. Et du riz cantonais. Now, I would call this fried rice, but in French, you call it Cantonese rice. Oui. Right? And it's very specific. It's this fried rice that's golden yellow, and it has little bits of vegetables in it. C'est ça, avec des petits morceaux de légumes. Et il peut avoir des petits morceaux de viande, je crois, aussi. Okay, a little bit of pork. Oui, exactement. C'est très bon. À mon avis, ça commence à aller mieux pour lui. Yes, absolutely. Il commence à dire, bon, ça va. On dirait que la fin de la journée va être meilleure. Okay. Et donc, elle est charmante. Elle lui dit, on va manger en regardant un gars, une fille. Oh, wow. So we get to watch TV and eat this food too. Ouais. OK. Donc, il n'aura rien à faire sûrement. Il va s'installer sur son canapé. OK. Now, here we're going to talk about two concurrent actions. So one of the actions is eating. Manger. Okay. And the other action is watching TV. And we're going to use the gerund form to say that it's going to happen at the same time as we eat. En regardant. En regardant. That means while we're watching. Exactement. Okay. So we're going to eat while watching. And what are we watching? Un gars, une fille. A guy and a girl. I'm not familiar with this. Is it a show? Oui, c'est une série télévisée. On va en parler juste après. Okay. Wow, you know, things are looking up. Oui, tout à fait. Et donc, elle dit, et ça ira mieux. Ça ira mieux. Now, this is the verb aller. Oui. And it's in the future form, so ira. Voilà. And everything will get better, right? Exactement. Okay. Ça ira mieux. All right. And he is so thankful that his significant other is such a nice person, right? Puisqu'il dit, merci, bébé. Ooh. Donc, on a la troisième formule ici pour appeler quelqu'un tendrement. Mon cœur, chéri, ou bébé. Okay. Heureusement que tu es là. Okay, thank goodness you're here. No, happily you're here. Ouais. Donc, on peut dire, chérie, heureusement que tu as pensé à aller chez le traiteur. Thankful you thought of going to the takeout place. Ouais. Mais ici, c'est heureusement que tu es là, tout simplement. All right. Heureusement is a great word that means thankfully or a good thing. Right? Ouais. It's a good thing that you're here. Cette histoire se termine bien pour lui. Mm-hmm. Donc, il est temps de l'écouter à nouveau. Comment s'est passée ta journée, mon cœur ? Oh là là, j'ai passé une journée horrible. Je suis arrivé en retard au travail, le patron m'a donné une tonne de boulot et on a perdu nos principaux clients. Oh mon pauvre ! C'est pas tout ! Je n'ai pas pu déjeuner ce midi. Pourquoi ? J'ai oublié mon portefeuille à la maison ce matin. Tu dois avoir super faim, mon chéri. Prends un bain et entre-temps, je vais aller chez le traiteur asiatique en bas chercher des nems et du riz cantonné. On va manger en regardant un gars et une fille et ça ira mieux. Merci bébé, heureusement que tu es là. Alors, on a parlé d'une émission télévisée ici qui s'appelle mm-hmm. Un gars, une fille. A guy and a girl. Right. Ouais. On peut même dire que c'est une série télévisée. Ok. Et on en a parlé dans ce dialogue parce que c'est vrai que c'est une série qui a eu un immense succès en France. Oh, really? Au début des années 2000. Ok. Et alors, ce qui est marrant par rapport au dialogue, c'est que cette série raconte l'histoire de la vie d'un couple au quotidien. Oh, ok. Tu vois, chaque jour, donc c'était des petites séries de 5-6 minutes. Mm-hmm. Évidemment, les deux personnages étaient très typés. Ok. Le mec, il était un peu macho, right. Un peu fier. Mm-hmm. Il invitait ses copains chez lui le soir. Ok. Et la femme est plutôt une femme qui est un peu maniaque, qui est bavarde, ok. Qui est jalouse. Right. Et donc, il y avait toujours des situations assez marrantes, puisqu'en fait, ça reflète un peu ce qui se passe dans la vie de tous les couples okay, yeah. au quotidien. Mm-hmm. Yeah, that sounds like about every French couple I know. C'est peut-être pour ça que ça a eu un tel succès en France. Okay. Et c'était regardé par, je crois, quelque chose comme 5 millions de téléspectateurs chaque wow. soir, ce qui est beaucoup en France. Okay, that's a big hit, yeah. Donc voilà, peut-être que vous connaissez cette série. En tout cas, si vous avez des amis français ou francophones, vous pouvez en parler, parce que cette série était importée du Québec, elle a été créée au Québec, donc si vous avez des amis québécois, mm-hmm. en tout cas, toute personne normalement française la connaît. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous en avez déjà entendu parler. Mm-hmm. Sinon, nous sommes toujours là pour vous. Sur ce, on vous dit à très bientôt et merci. À la prochaine.